On est là, on est là, je m'entends pour la première fois. Tu vois les vidéos où il y a les sourds qui s'entendent pour la première fois? Ouais. Bah là c'est ça avec mon casque. Et ok, je m'entends pour la première fois. L'émission a démarré, merci Martin. Ah, je savais pas. Ok. Bah, oh, tu m'as piégé! Eh oui, c'était un prank. Prank! 2026 sera sous le signe du prank ou ne sera pas. Tiens, je me suis fait avoir, hein. Il y a du vent, il y a du vent, j'espère que vous l'entendez pas. Si, au moins qu'ils l'entendent. Et ben, bon vent. Ça, c'est mon dernier patron qui m'a dit ça. Ah oui? Je m'en vais, il m'a dit bon vent. Comment on prend bon vent? Je savais pas si c'était gentil ou genre casse-toi. Ou si c'était bon vent à toi, tu vois, un vent qui va dans la voile et qui t'amène loin, j'en sais rien, tu vois. Non, moi je pense que c'était bon débarras, ouais. Ouais, ok, bah voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu un bon vent. Mais, ouais. Mais non, mais ça peut être sympa, bon vent, non? Oui, c'était sympa, Martin. Ouais, c'est tu partais, vous étiez en conflit, tout allait bien? Non, on n'était pas en super terme, mais en même temps, il m'avait invité à la fête de Noël, donc... Ah oui, t'étais pas non plus... Ouais, j'étais pas... Un paria. Mais il savait que je m'en allais et qu'on se reverrait pas, quoi. Et oui, non, mais t'as raison, ça sonnait un peu genre... Bon, bah salut, c'est cool. Et ben, bon vent. Ouais, t'as raison, c'est pas terrible. Ouais, moi j'aurais dit bonne continuation, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon vent, j'avoue, c'est peut-être pas terrible. Bon vent, ça fait un peu... Allez, hop. Mais tu me connais, tu vois. J'essaie toujours de voir le truc positif. Bah oui, c'est bien. Et donc, je vois une voile qui se gonfle et qui t'emmène loin, tu vois. Là. Mais c'est mieux, c'est bien. Ouais. C'est bien. J'allais te proposer un café. Ah! Est-ce que ça te dit un café? Allez, un petit café. Voilà. Pierrot nous a préparé un café. Moi, j'ai ramené un thermos et on a deux petits gobelets, là. Il n'y aura pas d'alcool parce que c'est le Dry January. Qu'on fait pas, quoi. Qu'on flexe, nous. Oui, moi je dis plus maintenant flexitarien, mais de l'alcool, quoi. Mais moi j'ai l'impression que le flex, c'est l'avenir, quoi. Boire moins d'alcool? Il a l'air bien léger, ce café. Ah oui, moi je l'ai fait pas fort. D'accord. Et, mais c'est pas grave, merci beaucoup pour le café, hein, c'est pas une critique. Mais, et donc... Ouais, le flex, c'est un peu l'avenir, tu vois. C'est-à-dire? Est-ce qu'on a besoin d'être forcément... je bois pas, ou je mange pas à toi, ou... En fait, essaye de boire moins, manger moins de viande, manger mieux, en fait... Et puis tout ira bien, fais un peu de sport, pas trop, rien dans l'abus. De toute façon, tout le monde le sait, abuser des choses c'est pas bon, mais que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, voilà. Voilà, ouais, dans la justesse quoi. Dans la justesse, et du coup le mot flex il prend tout son sens quoi, sois flex. Voilà. Du coup t'es souple, voilà. Du coup, justesse partout. Justice. Alors, après cette introduction, on se dit où on est. Donc vous allez le comprendre avec le vent, on est dehors. On est le samedi. Retour sur les bancs. Samedi 24 janvier. Exact. Ciel bleu. Golden time. Non, c'est quoi qu'elle a dit, Amélia? Ouais, c'est l'heure parfaite là, pour les Instagrammeurs là, pour faire leurs photos. Là. La luminosité est parfaite. On est en sépia, quoi. Il est 16h. Limite aveuglé par le reflet de l'eau. Ah oui, et du coup, on est au bord de l'eau. On est au bord de l'eau, derrière le port. Port de Lille, exactement. On est vraiment en face du port de Lille. Et nous, on est côté où il y a les coureurs, les gens qui se baladent, les gens qui sont à vélo. Tout ça, donc on va voir plein de monde nous regarder bizarrement pour savoir ce qu'on fait. Et nous, on dira « wesh !» On dira rien du tout, on continuera notre bonhomme de chemin. Ouais, puis si les gens, ils s'arrêtent pas, non, ils ne nous ont pas non plus dévisagé de ouf, quoi. Non, mais on leur dira « bon vent ». Bon vent. Et puis c'est l'heure où ils vont arrêter de courir, les gens, là, je pense. Ouais, bah, je suis passé par là l'autre fois, quoi, de l'autre côté, et c'est vrai que c'était pas éclairé, j'étais avec mon téléphone. Mais c'est pas les lampadaires qui s'allument quand tu passes, ils ont pas ça? Cette partie-là, non. Ça m'amuse beaucoup, moi, les lampadaires qui s'allument quand tu passes. Je trouve ça cool. Mais toi, j'ai l'impression qu'il te faut pas grand-chose. Non, il faut pas grand-chose. Une ou deux bières. Ouais. De l'optimisme. Un lampadaire. C'est bien, Martin. Mais oui. Et là, regarde, par exemple, là, j'ai acheté un filtre à eau. Mais je suis tellement content de boire de l'eau. Frugal. L'eau, je dis. Du coup, j'ai bu 4 verres d'eau déjà aujourd'hui. Tu vois. Oh là là, 4 verres d'eau. Parce qu'elle est filtrée. C'est beaucoup, 4 verres d'eau? Bah, c'est 25. C'est déjà un litre. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Pas frugal sur l'eau. C'est bien, Martin. Et ouais, du coup, voilà, je me régale. Il y a des gens qui veulent de la grenadine. Même pas besoin de mettre de la grenadine, moi. Juste un verre d'eau filtré. Et tu sens la différence? Bah, moi, dans ma tête, tout marche. Oui, bien sûr. Mais en goût? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de chlore. Il y a plus de. Le goût est neutre. Tu l'as déjà reçu? Ouais, je l'ai reçu en 3 jours. Ah ouais. Oui, Martin a acheté un filtre d'eau. Filtre à eau, comment on se dit? C'est un gros un truc. Un filtreur, ouais. C'est pas si grand. Hein. Mais ça ressemble à un truc comme si on distribuait ton café, quoi. Ouais, ça ressemble un peu, comment ça s'appelle, les trucs de café comme ça, ouais. Qui garde le café au chaud, quoi. Ouais, comment ça. Attends, vous auriez. T'as pas un. Tu sais, tout le monde te demande ça. Un perco. Ça ressemble à un perco. Tout le monde te demande ça ? Ouais, bien sûr. Dans la rue, tu n'aurais pas un perco. Non, mais quand tu fais des événements, dans l'événementiel, on demande toujours un perco. Parce qu'un perco aussi, c'est un truc, un plan épargne retraite. Ah ouais ? Ouais. Ah merde. Là, c'est un percolateur. Tu n'aurais pas un perco à me prêter ? Parce qu'en fait, là, je suis à 62 ans et c'est bientôt la retraite. Un petit perco. Ah, je ne sais pas, avec 15 000 balles dessus. Plan épargne ? Retraite. Et co, c'est quoi co ? Co, bah, c'est... Coco, coco, donne-moi des sous coco et donne-moi des sous coco. Okay. J'aimerais bien que les banquiers parlent comme ça. C'est vrai, ouais. Me parle pas des banquiers, là. Je les ai tout le temps en ce moment. Ils m'insupportent. C'est pas qu'ils m'insupportent, c'est que t'as pas de gens physiques maintenant, c'est que en ligne. Ah ouais, moi j'ai une conseillère qu'on connaît. Ouais, bah elle a un nom, un prénom et elle est à côté de chez nous. Quand t'en auras bien besoin d'elle, tu vas voir comment elle te met 20 ans à te répondre. Ah ouais. Et qu'à un moment elle va dire mais faites-le avec la banque en ligne, vous allez voir, ça va plus vite. Attends, moi, à un moment, j'ai demandé un truc à ma banque et au bout d'un moment, ils voulaient me faire payer un truc qui était gratuit peu de temps avant. Du coup, je me dis, non, mais vous moquez de moi. J'ai écrit ça, vous moquez de moi. C'est vrai ? T'as écrit ça, texto ? Ouais, parce que j'en avais marre, tu vois. C'était pas la première fois. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me fait, oui, je vous ai appelé parce que là, ça commençait à tourner en rond. Puis je me suis dit que c'était mieux. Je fais, oui. Mais j'ai dit, mais c'est une IA qui m'a répondu parce que j'ai l'impression que c'était un chatbot, tu vois. Elle fait, non, c'est une vraie personne. Je fais, wow. Bah voilà, on en est là. C'est pour ça que j'ai dit vous moquez de moi. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était une IA. Ouais. Qui me répondait. Les gens ils parlent mal aussi, hein, tu penses ? Bah c'est que c'était. C'est un ordinateur, du coup il se permet de. Eh oh ! Mais ça se trouve, il lui dit. Mais, et ça répondait à côté de la plaque surtout, tu vois. Je me dis, un être humain là il peut pas me répondre autant à côté de la plaque, quoi. Et si. Mais c'était pas la première fois. Après, si ça tombe, il y a des gens qui te répondent en lisant un chat GPT, tu vois. On leur pose une question. Il la rentre dans le chat GPT, répond à ça, il te répète. Ouais, oui, clique sur des réponses automatiques, il t'a demandé ça, donc tu vas mettre ça, puis ça te fait des réponses en kit. Enfin bref. C'est horrible. Moi j'ai mon kiné, là, il a rédigé son mémoire avec chat GPT, c'est autorisé par les profs. Oui, mais attends, il a quel âge ton kiné ? Je sais pas, c'est... Il a 15 ans. Non, c'est son troisième mémoire, c'est mémoire d'ostéo, il a fait déjà deux mémoires, kiné, je sais plus quoi. Mais en gros, il a rédigé un mémoire en 10 heures. Allez, accrochez-vous, quoi. Ah, il doit être beau, quoi. Parce que chat GPT. Je me suis foutu de sa gueule, je dis mais tu l'as pas lu en fait. Tu t'as rendu un truc et personne sait ce que c'est. Personne va le lire, quoi. Mais ouais, mais moi je le lis même pas, tu vois. Mais non. Moi mon mémoire j'ai dû le relire, tu vois. Bah oui, au minimum tu relis quoi ce que t'écris, quoi. Là c'est vraiment le. Et moi j'ai même fait relire 4-5 personnes pour les fautes, pour sur la syntaxe, la grammaire, le. Bah oui, puis... C'était l'enfer pour moi. Puis ChatGPT, c'est écrit d'une certaine manière. C'est écrit des longues phrases alambiquées. Tu sens que c'est pas tes mots, tu vois. Ça se voit en fait maintenant à force. Tout le monde utilise ChatGPT. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Mais que ça soit autorisé, tu vois. Parce que je dis, bah faut pas se faire griller. Il me dit non, c'est auto, c'est. Ah ouais. Tu vois, c'est même pas une filouterie. C'est n'importe quoi. Mais j'avais entendu un truc avec ChatGPT. C'est que les gens, tu sais, ils vont s'informer via ChatGPT. Genre, c'est qui Tom Cruise ? Ils vont sur ChatGPT demander. C'est pas. Et il y a un mec qui défendait Wikipédia en disant « Wikipédia, c'est mieux. » Parce que c'est des gens qui contrôlent, qui écrivent. Mmh. Si à un moment, tu vas te renseigner qu'uniquement par ChatGPT, et ben ChatGPT, ça va être tenu déjà par un truc des capitalistes, tu vois. Et ils vont pouvoir te mettre n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et c'est, tu vois, il n'y a pas la fiabilité. Wikipédia, il y a une fiabilité, quoi. Il y a une indépendance. Mais une en fiabilité. Plus, à la fac, même Wikipédia, il disait qu'on n'avait pas utilisé, que c'était pas une source fiable. Ah ouais. Déjà, tu te rappelles ? Ouais, il y avait. Tu pouvais pas mettre en source Wikipédia. Ouais, il y avait que ça en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait un truc aussi, oui. Tu peux pas faire non plus du copier-coller de Wikipédia. Mais ChatGPT, tu peux. Va t'en comprendre. Va t'en comprendre ? Ouais, mais là, oui, mais lui. Bon vent. Lui, c'est un. il est vieux, quoi. Tu vois, c'est pas. C'est pas déterminant. C'est pas pour son bac plus 5 qu'il fait ça. Si. C'est pour son bac plus 5. Bon, je sais pas. Non, mais non, c'est pour ostéo. C'est pour faire kiné et ostéo. Ouais, mais il y croit pas en plus, c'est marrant parce que du coup, je parlais avec lui de l'ostéopathie, de tu sais, des gens qui tiennent de la tête, qui font plus craquer, qui sont dans le viscéral ou dans le. Genre, ils tiennent la tête et pendant une demi-heure et ils te font rien et toi tu ressens des trucs. Lui est ultra cartésien. Il disait, mais j'y crois pas du tout. Il m'a dit, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, pourquoi il fait ça ? Je sais pas. C'est juste pour se dire, je suis ostéo et comme ça j'attire plus de clients. J'avoue, j'ai pas poussé vers ce. En gros, si, lui, il ferait de l'ostéopathie, mais cartésienne, quoi. Ça veut dire son nom fait craquer. Je pense que ça peut nourrir sa science du kiné, tu vois. Enfin, son approche. Moi, je pense que c'est un escroc. Moi, je l'aime bien, ouais. Moi, je pense que c'est un escroc, Martin. Déjà, quand tu te dis, je vais faire mon mémoire en entier avec ChatGPT. Ah, je me suis bien foutu sa gueule. Ah ouais, bah t'as bien fait, c'est bien. Mais franchement, il est cool. Je lui demandais plein de renseignements. Et du coup, j'étais content, moi, qui suis plus dans les énergies, tout ça, d'avoir un gars cartésien, tu vois, et lui demander, ah ouais, mais et ça. Et lui, il disait que l'effet placebo, pour lui, ça marche de ouf. Et que pour lui, tout ça, c'est ça, en fait. Qu'en fait, ça peut marcher, mais parce que c'est ton corps qui s'auto-guérit en pensant qu'il se passe un truc, tu vois. Ah, c'est marrant. J'ai lu. Et moi, j'ai dit, bah tant mieux, bah, vas-y, si ça marche. Je viens de lire un livre qui parle pas mal de l'effet placebo okay. Et du bien-être. Bah ouais, en fait, ça marche. Et donc, on va voir un médecin qui nous fait un truc qui marche ou qui marche pas, mais en fait, ça marche. Oui, oui, si ton cerveau, il y a le déclencheur, quoi. Et moi, je trouve que mon ostéo, il a jamais trop triché parce qu'il me disait, moi, je vais juste te mettre en condition pour que ton corps, il se répare de lui-même. Ok. Tu vois, donc. Ça me va. Mais en gros, il disait, quand le gars, il met ses mains sur toute ta tête pendant une demi-heure, là, toute ta tête, elle bouge plus. Il me dit, allez, quand t'es gamin, à partir de, je sais pas, 7 mois ou je sais plus, là, ton cerveau s'est soudé. Il va rien se passer, ton crâne, il va plus. Ton cerveau, il évolue 4 fois dans une. Ouais, mais là, il parlait du crâne. Ah, du crâne, ok. Plutôt, ouais. Tu sais qu'au début, il est plutôt meuble. Meuble. Meuble ? Non, mais il est mou, quoi. Ah, oui, c'est vrai. Mais j'ose pas toucher la tête de. Un bébé. Ouais, ouais. Il est meuble. J'étais comme ça à me dire. Une chaise. Mais il y a les bébés ventouses, là, tu sais, par exemple, là, qu'on sort avec une ventouse et qui sont un peu comme. C'est une vieille mission d'extraterrestres avec des têtes pointues, là, quand on était petit. Tu vois quoi ? Tu vois ce truc-là ? Ils ont pas ça, les bébés. Ils ont cette tête-là ? Bah, pas à ce point-là. Mais ils sont un peu absorbés comme ça, et après, ça se remet, tu vois. Ah oui. C'est meuble, hein. Putain, t'as un gobelet l'occasion. Ouais. C'est ouf. Ouais. C'est Camille qui l'a fait, Camille Dali ? Je sais pas. Si ? Ah bon, ouais, je te crois alors. Je pense que le dessin, c'est ça, ouais. Tu crois ? Je sais pas s'il y a ça. Si, ouais, je suis quasi sûr. Ouais, c'est son dessin. Tu sais, elle avait fait tous les bars de Lille. C'est celui-là, fais voir. Ouais. Je pense que c'est elle. Ah, ok. Ok. Voilà. Bon, bah voilà, c'était un bon 12 minutes de début où c'est passé de la banque à l'ostéo, ouais. À ChatGPT. Vous l'avez compris, ah on bon, est là. On n'a pas de ligne rouge. Fil rouge. Fil rouge, ah putain. La ligne verte, très bon film. Et deux quins. Là, il y a du quin. Ouais, ils se ressemblent de ouf en plus. Mais ils sont frères. Tu crois que c'est des frères ? Je sais pas. Non, je pense pas. Ouais, ils se ressemblent pas. Sûrement des bergers australiens. En tout cas, il s'est bien fait tirer l'oreille. Et son maître lui a dit, tu te roules pas dans la merde. Le chien interprète ça, il dit, ah ouais ? Attends la prochaine. Exactement, ils ont rien à foutre. Vraiment, il va rien comprendre, quoi. Ouais, ils ont l'air frères, ouais, effectivement. Deux frères, deux trous dans le cerveau. Deux heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du PNL. Ah, ils vont revenir, tu crois ? Non, c'est fini. Je sais pas. Pareil, c'était un des plus beaux clips. Je sais plus lequel, mais ils ont vraiment fait des beaux clips. Les clips, ils étaient ouf, non ? Ouais. Ah, t'as pas aimé toi. T'as pas la culture du clip comme moi. C'est vrai que t'en as parlé l'autre fois. Ouais. Clip. Tu veux lancer un sujet ? On navigue un peu comme ça. Peut-être qu'on peut faire une minute de silence. Pour ? Le Maroc qui perd en finale de la CAN. Oh, moi j'étais plus pour. Je vais pas le dire, ça se trouve, on va perdre tous les Marocains qui existent. J'étais plus pour le Sénégal. Ah ouais ? Sergio Mané, t'aimes bien ? Sergio ? Sadio ? Sadio, ouais, pardon. Sergio Lopez. Non, je sais pas pourquoi. Non, en fait, au début, j'étais pour que le meilleur gagne. Et à la toute fin, le but sénégalais pour moi était valable. Et après, ils se font un peu voler, quoi. Non, pas le but dans les prolongations. Le but juste avant que le Maroc ait un penalty. Ah, je l'ai pas vu. Bon, j'ai pas regardé la finale. Je travaillais. C'est pas hyper important. Et donc, j'étais pour le Sénégal à ce moment-là parce que j'étais contre l'injustice. Je trouvais que c'était injuste, mais bon, le Marocain, il va te dire... Mais, T'étais pour la justice ? J'étais pour la justice, ouais. Pas contre la justice. T'as ligne rouge, là, tu vois. Tu vois la ligne ? Tu vois la ligne ? Faut pas la dépasser. Non. Ah là là. Je vois la référence, mais c'est une private joke et on peut pas l'expliquer, Martin. Ouais, moi, quand on me dit un truc, je le répète. Et après, je fais le malin. Voilà. Un sujet ? Bah vas-y, t'as ton téléphone sous les yeux. C'est vrai. C'est vraiment... Sinon j'en ai un. Vas-y, parce que moi je crois que c'est l'émission la moins préparée depuis l'épisode 28. Ok, j'en ai un, mais de toute façon c'est quelque chose que tu connais quoi. Ah ouais ? Ouais, c'est que tu vois comme tous les trucs Deezer, Spotify, moi j'ai l'équipe qui m'a fait mon bilan. Ouais. Qui m'a fait mon bilan et qui m'a dit... Oh là là, t'es un bon lecteur de l'équipe. Genre meilleur lecteur de France. Bah t'es dans les, je sais plus si je suis pas dans les 3% ou 1% des plus gros lecteurs. C'est énorme. Et à un moment il m'a dit, vous avez lu 15 000 ou 16 000 articles dans l'année. C'est énorme. Ça fait combien par jour? Ça faisait une quarantaine par jour. Mais c'est impossible. C'est pas impossible. Tu les ouvres, il y en a tout, tu fermes. Comment? Il y en a que tu ouvres. Que tu fermes. C'est ma bouche que j'ai pas ouverte. Ouais. Non, il y a des épisodes, des articles, pardon, que tu ouvres, mais que tu lis pas, quoi. Non oui, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Oui, mais je lis en diagonale, mais c'est vrai que je lis un peu tout. 40 par ouais, jour. Après, moi, ma morning routine, il y a un peu ça, tu vois. Je regarde le matin l'équipe et le soir un petit coup aussi, tu vois. Donc je peux passer 20 minutes à lire les articles. Après, c'est pas des articles hyper longs, quoi. Tu peux nous parler du dernier article que t'as partagé? Non. Le dernier article. Non, mais il était marrant, je l'ai même pas lu. Je l'ai pas lu pour le coup. Putain, du coup, tu me l'as fait lire. Ouais. Ah, tu l'as lu toi? Ouais, en diagonale. Ouais. Mais on peut expliquer. Hein. L'équipe, il a fait un article sur un joueur de Martin. Foot qui a dû arrêter sa carrière. Pour une raison. Pour une raison. Incongrue. Incongrue. C'est qu'il pouvait pas. Il voulait pas être tout nu dans les douches parce qu'il avait un petit gag. Ah, c'était ça? Ouais. Ah, je crois que c'est parce qu'il avait un trop gros zizi, moi. Eh ben, moi aussi, mais non, c'est parce qu'il est petit. Ah, c'est ça, ok, moi j'ai vraiment pas lu, quoi. Parce que t'as lu quand c'est parce qu'ils mettent. Genre, il y a des gens qui font les ligaments croisés des genoux. Moi, j'ai fait les ligaments croisés du caleçon ou un truc comme ça. Ah, oui. Et du coup, tu crois que c'est parce qu'elle était trop grande et du coup qu'il s'est blessé? Non, en fait, c'est qu'il est traumatisé des douches. Ah ouais? Et un jour, il y a un gars, il lui dit, ah, regarde, il se met à poil devant lui. Et lui, il le fait parce qu'il est obligé. Et il se fout de sa gueule, le gars. Et ça démolit sa carrière, quoi. Et il dit que ça aurait été un grand joueur. Nanana, nanana. Ah ouais? Et il arrête. Et après, il se met au basket. Et comme subterfuge, il dit ouais, désolé, je travaille, j'arrive en retard. Il arrive en tenue et il repartait direct, je sais pas quoi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Ah bah, il est plus intéressant l'article que le titre laissait penser, quoi. Mais ouais, le titre est abusé. Non, mais ah il ouais. est racoleur. Ah ouais, il est nul. Et je crois que c'est écrit ça, genre. Oui, c'est il ça. Il arrête sa carrière. C'est pas un ligament croisé que j'ai fait, mais un ligament croisé du caleçon, un truc comme ça. Ouais, c'est même un peu plus trash pour dire ce. Ouais, et en fait, c'est un mec qui a écrit des livres, qui a fait un reportage. Enfin, tu vois, il est hyper carré là-dessus, quoi. Ah ouais. Ouais. Il a carrément développé, il aide les gens psychologiquement, nanana, quoi. Ok. Voilà. C'est fou, hein. Ça, il fait partie de tes 40 articles que tu lis pas, du coup, mais que t'as cliqué. Si, j'en lis beaucoup, tu vois. Ouais, mais celui-là, par exemple. Typiquement. Ouais, mais c'est rare. Mais j'arrive à lire des trucs un peu cons. Hein. Je sais plus ce que j'ai lu, mais il y a parfois juste des mecs qui parlent de leur rapport au sport. Ils sont un peu complétés quand même. Hein. C'est. Bah après, j'aime beaucoup le sport. On va pas se cacher. Je me cache derrière ça ou pas, Martin? Non, c'est vrai. Mais moi, en plus, je lis que le foot. Toi, tu lis basket, tu lis tout, quoi. Je lis. Alors, c'est le bon top 3. C'était foot, basket et je crois qu'il y avait cyclisme. Ah ouais. Eh oui, surtout, oui. Attends, combien d'articles? 16 000. Et on n'était pas sur une année de, ah oui. de JO ou d'Euro ou de Coupe ouais. du Monde de foot. Tu vois, donc c'était. Ouais, c'est que j'aime bien. Hein. Ouais. Mais c'est la première fois que tu en parles de ton bilan. Bah, c'est la première fois qu'ils me le font. Mmh. Première fois. Ouais, bah moi j'ai fait mon bilan Strava. Oui, mais grâce à ça. si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, j'ai gagné des places avec le travail pour les JO, où j'ai pu avoir du basket. C'est grâce à ma connaissance du sport. Ah ouais. Bah voilà. Comme quoi, il faut bosser. Hein. Ça paye. Mais il n'y a pas des jeux télé pour toi, alors du coup, non, il n'y a pas. Genre, non, on connaît la chanson, mais toi, ce serait on connaît le... Trivial Poursuite. Ok. Je sport, tout le temps. Tout le temps sport. Ouais, ouais. Et ça permet de rejouer et de jouer des camemberts. Franchement, il faut m'avoir dans l'équipe, juste pour sport. En plus, est-ce que t'es bon dans le Trivial Poursuit des années 80? Parce que nous, on a ça chez nous. 80 genre, non, mais il y a encore le mur de Berlin et tout, quoi. Laisse tomber. Les questions, t'es là. Non, mais on sait plus ça. Ah oui, oui. Ouais. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non, ça doit être plus dur. Bah ouais, tous les sports. Si, il te parle du premier gars qui a fait le Fosbury, il te parle des trucs comme ça, quoi. Qui a inventé le Fosbury? Bah David Fosbury, tiens. Ah bah oui, bingo. Bah tu vois, quand j'étais petit, je me disais que mes parents, ils étaient trop forts à ces jeux-là. Bon, ils étaient trop forts, mais parce qu'ils sont pas bêtes. Mais aussi, je pense que ça change aussi quand t'as vécu l'époque, tu vois. C'est plus facile, ouais. Tiens, un côté. Donc en fait, par exemple, là, ouais, je te mets un Trivial Pursuit de maintenant et celui qu'on a à la maison, mec, t'es... Je pense qu'on s'en sort mieux avec le maintenant, quoi. Bah ouais. Eh, ça court, hein. Ah bon? Ah ouais. Il y a bon. Bah je vais aller le vélo de l'autre sens, moi. Il y a le soleil qui va se coucher. Ça commence, ouais. On va commencer à se peler les miches. Parce qu'il reste... Il fait froid quand même, hein. Ouais. On s'en va quand même, hein. Il reste 25 minutes d'émission, on va la faire plus courte. Non, je déconne. C'est pas Golden Shower, hein, la lumière. C'est un nom, hein. Ah, et ben... Non, Golden Shower, c'est... Non, arrête de dire ça. Pardon. Qu'est-ce que c'est, ça, la Golden Shower? C'est une pratique sexuelle où on te fait... Tu te fais on... Soit tu fais pipi sur quelqu'un, soit on te fait pipi dessus. Voilà. C'est très agréable. Douche dorée, hein, parce qu'on... Faut, hein. C'est une douche dorée. J'ai 3-4 sujets... Ah ouais. J'ai un sujet rubrique, un sujet pratique. C'est quoi, c'est les thèmes, ça, de tes sujets? C'est pour que tu m'aides à choisir lequel on va faire. Ok. Bon, j'en ai que deux, en fait. Voilà, le sujet rubrique ou le sujet pratique? Allez, pratique. Sujet pratique. Réparer soi-même ton vélo. C'est ça? Ouais. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est pas une nouvelle pratique? Bah, je sais pas, moi, ça fait des années que je suis inscrit aux mains dans le guidon. Ouais, mais j'ai l'impression que je le fais de plus en plus tous, tu vois, et c'est intéressant, je trouve, d'être accompagné. Je sais pas, ça a toujours été chiant de réparer son vélo. C'est je trouve même... Tout le monde, quand on était gamin, tu vois, tous nos vélos, c'était défoncé, quoi. Ouais, je trouve que c'est encore chiant. Mais c'est moins chiant avec ce truc-là, ouais. Ouais, t'es accompagné, déjà, des fois, ils le font pour toi. Oui, bah moi, je fais un peu ces fins-là. Ils t'expliquent, ils essaient d'améliorer le truc avec toi. Ouais, j'aime bien. Moi, je fais qu'on a des vélos qui roulent, quoi. Moi, je fais le beubeu, quand même. Ouais, mais toi, t'es obligé de faire... On n'est pas au même endroit. Du coup, toi, t'es obligé de faire le bebe pour qu'il t'aide. Moi, il faut que je montre que j'ai les capacités de le faire pour le faire. Ah c'est ouais. L'inverse, tu vois, moi. Si j'ai envie de faire un truc, faut que je dise attends, je crois que je peux le faire. Tu vois. Ah oui, alors que toi, tu dis je comprends rien, vous pouvez m'aider. Moi, j'essaye une fois, j'attends 5 minutes, ouais, j'arrive pas. Mais je le sais parce qu'une fois, ils m'ont fait. Je suis resté 4 heures là-bas pour du brin, quoi. Mais ouais, et ben moi, en 20 minutes, c'est fait, quoi. Ouais, bah t'as de la chance, Martin. Ouais. Et après, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Tu vois, là, il disait qu'il y a personne. L'été, apparemment, c'est full, quoi. Là, il n'y a personne qui répare son vélo. Mais on va arriver au printemps. Apparemment, je vais devoir prendre des rendez-vous, quoi. Mais c'est vrai que là, il n'y a personne. Mais voilà, je trouve ça intéressant, moi, qu'on répare nos vélos. Et du coup, ça fait revenir à tout ce qui est l'obsolescence programmée, tu vois. En fait, on devrait tout réparer nos trucs, quoi. Pareil, il y a un bar, là, à Lille, à Fives, là, Tipeee, tu peux y aller le samedi réparer ton grille-pain, tu vois. Au lieu de racheter un grille-pain. Les Reaper Café. Ouais, bah, c'est stylé, franchement. Si, c'est bien. On ouais. parle d'écologie, tout ça. Bah voilà. Bah en plus, il y a un côté où t'es sur un temps plus moins rapide. Hein. Tu vois, il y a le côté temps long, tu fais vivre ton objet plus longtemps. Ouais. Et aussi, tu bah au lieu de, je sais pas, glander sur ton téléphone, bon bah tu vas aller réparer ton grille-pain, tu vois. Donc ouais. Tu prends le temps de faire ça, tu vois. C'est vrai. Et t'es pas sur ton téléphone. À droite à gauche ou même à droite à gauche à courir. Je ne sais quoi pour des choses qui ne servent à rien. Prenons le temps de réparer notre grille-pain. Et puis en plus, moi j'aime bien le gars qui m'aide. Il est trop cool, tu vois. C'est un Colombien, il est trop stylé. Ça, genre, c'est pour le vélo, quoi. Ouais, pour le vélo, je blague avec lui. Je sais pas, j'adore. Franchement, c'est mon pote, tu vois. Tu fais quoi comme blague? Et genre, il veut trop qu'on améliore mon vélo ensemble, tu vois. C'est vrai? Genre, on va grandir. Et à chaque fois, je dis, ouais, j'ai un nouvel exploit, tu vois. Genre, la première fois que j'ai réparé mon vélo, je dis, ouais, j'ai une course de vélo, j'ai dû faire 80 km en chasse au trésor, je sais pas quoi. C'est pas une chasse au trésor, course d'orientation. Ils étaient trop contents que j'ai gagné, tu vois. Ah oui. Et là, je prépare le 1200. Et ils sont plusieurs, en plus, à écouter, tu vois, ce que tu dis, quand tu parles. Ils sont trois à t'aider. Et en gros, ouais, ils sont tous chauds pour... Là, on prépare les 1200 km. Bah, ils espèrent... Explique un peu plus 1200 km. On va partir de la Spendos, un kebab, jusqu'à la Royale, à Contis. Et 1200 km de vélo avec une troupe. Contis, c'est où? Je crois que c'est en Vendée, non? Non, c'est en dessous de la Vendée, encore. C'est dans le Béarn. Ouais. Béarn, non? Bah c'est vraiment sud-ouest quoi, c'est le canard. C'est... Voilà. Et du coup il y a toute une équipe là, et ça monte des maillots, ça chasse des sponsors, ça prépare un itinéraire béton, c'est magnifique. Ça fait combien de kilomètres par jour? C'est cool d'avoir des gens motivés comme ça. Ça fait 120 km par jour. Ah ouais, ça va, c'est pas 150. Bah non ouais du coup, parce que je crois que c'était 1005 moi, c'est 1002. Et pas trop de dénivelé apparemment, enfin voilà ils ont étudié le terrain. Bon ça reste pas mal 120 quand même. Ouais mais ouais, il y a un pote qui va y aller tranquille et je vais être avec lui et il est très fort. Devine qui c'est. On t'a pas dit son nom, mais... Mais tu peux le dire. Et en fait, on parle tout le temps de lui, il dit. C'est vrai? Bon, alors on parle pas de lui. Non, non, bah non. Alors, sa voiture, Louis, c'est Louis. Voilà, c'est Louis. C'est de toi qu'on parle, mon grand. Voilà. Et ouais. Et là, j'espère que t'es tranquillement sur ton petit lit, tranquille, posé. Non, là, il fait un 60 km, là, il fait beau. Tu rigoles? Ah ouais? Ça s'attend à faire du vélo. Ah, il nous écoute sur son vélo, tu crois? Bah, on n'est pas en direct. Non, moi, je veux. Là, quand on lui parle, il est où, là? Là, quand il nous écoute, là? Ouais. Bah, il est sûrement en vélo, quand même. Ou il se le garde pour une course plus tard? Il est avec son petit chapeau go? Il se mange des petites pâtes au pesto verde? Je crois pas qu'il écoute chez lui. Quoi? Mettez-nous des commentaires, là, en fait, sur Instagram, là, parce qu'on n'a pas de... En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne? Je me demande, moi. Ouais, ouais, ouais, je crois qu'il y a des gens. Ouais, ok. Je crois. Bah, je sais pas, mettez un pouce. C'est bon. C'est vrai qu'il y a des likes, il y a des likes quand même. Mais ouais, on est sur notre... Et là, on est sur notre temps de repos à travailler, c'est ça, Martin? Encouragez-nous, on peut s'arrêter à tout moment, on arrête, on craque. On craque, on fait craque, craque. Bon, il était intéressant ce sujet, pratique. Super, Martin. J'ai mon sujet rubrique, si tu veux, maintenant. Tu veux enchaîner direct sur ta rubrique? Non, tu rigoles ou quoi? La rubrique, catatin. C'est notre rubrique. Pratique, pratique. Non, c'est vrai, alors j'y repensais, parce que moi, ça me fait toujours chier de réparer mon vélo. Mais maintenant, je me dis, c'est plus simple, je sais pas si compliqué de réparer ses freins. Effectivement, maintenant, je peux... alors qu'à une époque, j'aurais fait. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? J'ai des freins à disque, moi. À disque? T'es DJ? Ouais, mais du coup, je vais les réparer aussi. Je vais apprendre. Avec Geoffrey. Geoffrey, le Colombien? Ouais. C'est bizarre, ouais. Mais alors, tu sais ce que j'ai lu, parce que grand lecteur de La Voix du Nord. Aussi? Bah, y a... Tu lis combien d'articles, toi, par jour? Y a un La Voix du Nord. C'est pour connaître ma ville, Lille, comment elle est, comment elle va. Il y a un réparateur de vélo à Lille qui a ouvert, à LM. Exact. C'est une nana, ouais. Voilà, c'est une nana, ouais. Elle, c'est le coin, ouais. T'as lu un article sur elle? Exact. Mais c'est marrant parce que c'est pas loin de là où je vais, donc je sais pas si ça va marcher. Bah, je me demandais si ça allait pas mettre concurrence, les mettre en concurrence. Bah non, parce que là où je vais, moi, c'est une petite asso. Mm. Et ils s'occupent des vieux aussi. Ils s'appellent Intersol. Ils s'occupent. C'est vraiment une asso solidaire. Qui va au-delà du vélo. Ils s'occupent des vieux? Ouais, ils s'occupent des vieux, ils ont une épicerie, ils ont... Ah, okay. Ils font plein de choses, ils font de la couture... Inter quoi, tu dis? Intersol, bah Intersolidarité. Ah ouais, sinon tu veux de la moquette, du parquet, Intersol. Ah ouais? Ah non, moi ça faisait plus penser à Intersoleil, tu vois, peut-être plutôt un truc de plante. Mais toi t'es vraiment l'optimiste. Tu veux un café? Non, c'est bon. Tu vas t'énerver, c'est ça? Je bois plus que... J'ai réduit ma consommation de café. Un par... T'as raison. Un le matin et un l'après-midi. Avec encore. Hein? Ouais, c'est moi qui t'ai forcé un peu. Là, c'est toi, ouais. J'en buvais un au moment où tu m'as proposé... Mais tu l'as arrêté, du coup? J'ai arrêté, ouais. C'est pour ça que t'en as vu. Mais dans là, les t'en tasses. Mais t'en as fait trop, là. Fait... Mais il y avait qui avec toi? Tu prendras pour ta maison. C'était la deuxième tasse à la personne qui vit chez moi. Ok. Voilà. Les tasses, je les remplis, quoi. Bah oui. Parce qu'il en restait. J'ai vu. Tu allais pas le jeter? Tu penses qu'il fallait le jeter, Martin? Pfff, du café, je peux le laisser. En fait, depuis que je vois des vieux films américains où il y a un café qui est toujours là, qui chauffe, bah mon café, moi, je peux le boire pendant une semaine. Ouais, mais j'en ai fait un nouveau, parce que Martin, tu m'as demandé de faire un nouveau, j'ai fait un nouveau café. Mais ouais, pardon, mais j'avais pas compris, t'aurais pu réchauffer celui-là. Sorry. Je l'aurais réchauffé au micro-ondes et pour rien au monde, je t'aurais fait ça, Martin. C'est vrai, je déteste les micro-ondes. Épisode 14. Microphobe. Je suis microphobe. Microphobe, j'aime pas les micros. Oh non, je ne veux pas parler l'un de deux. Oh non, non. Je ne parle pas, tu vois. Donnez-moi. Ils sont marrants, les petits micros d'influenceurs, là, les petites moumoutes là, qui tiennent au bout de leurs doigts. Là. Et surtout qu'en plus, il y a une pince. Ils peuvent l'accrocher, c'est une micro-cravate. Oui, ils le mettent au bout de leurs doigts. Ouais, okay. Les gogoles. Arrêtez, quoi. C'est trop marrant. Ça me fait rire. On dirait un petit animal. Tu sais, ils tiennent une petite moumoute. Ouais, ouais. Alors, je vais vous donner les bons conseils pour acheter des crampons de foot. C'est vraiment, il y a tous les sujets du monde. C'est clair. Ils ont tous les mêmes. Tous les mêmes? Tous les mêmes. Après, il y a des gens qui ont juste le microphone de leurs écouteurs aussi. Qui tiennent comme ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est encore plus investi, gros, quoi. Oui. Alors que t'as pas besoin de le tenir comme ça, vu que c'est fait pour que tu le tiennes pas. C'est un écouteur. Bah, sauf s'il frotte sur tes habits, quoi. Un peu comme ça, là. Oh là là, c'est bien fait. Ça serait un peu agaçant à force. C'est vrai. Agaçant. Eh, il fait bon, hein. J'aime bien ce temps froid quand même, hein. Ouais, ça dépend encore, mais aujourd'hui, ouais. Non, mais la pluie, c'est nul, quoi. Oh là là, la pluie. La pluie, c'est nul. C'est nul quand c'est froid. L'été, ça dérange moins, je trouve. Non, en fait, c'est nul c'est bien quand t'es chez toi, bien au chaud, tout ça, et que t'as pas à sortir la grosse pluie, tu fais je suis bien là. Ouais. Mais si t'es sous la pluie, là c'est nul. C'est vrai. Si quand tu serais dans le bâtiment par exemple. Oh là là. Oh là là. Ah si, j'ai un sujet un peu bateau. Mais existentiel quand même. Existentiel quand même. Mais travail qu'on avait déjà parlé, qu'on avait genre que des sujets de merde. Mais on dit plus ça. On dit c'est bien quand même. C'est bien quand même. Ouais. C'est bien quand même. C'est bateau. C'est pas un sujet de merde, c'est un sujet bateau. C'est un sujet bateau, mais qui peut questionner, tu vois. Ouais. Mais du coup, si par exemple là vous êtes en train de vous endormir, bah voilà, fermez les yeux, c'est bon. Ça, ça, non, ça, ça va vous réveiller quand même. Parce que la question c'est les gouttes glace. Les glaces. Ouais. Les glaces. C'est pas de l'anglais good. Ouais, c'est pour ça que je me suis repris. Glace. Good glass and broken soul. You know Martin's in podcast. Here. Yeah. You mean it was here. NTS. Bank and truck. Bench. Bench and burr. Bench and truckhead. Bench and burr. Bench and burr. Bench and saloon. Very good. Yeah. Hello everybody. Non, les glaces qu'on boit, qu'on mange l'été, qu'on peut très bien manger l'hiver. Mais pistache. C'est quoi les goûts de base? Goût de base? Ah, vanille. Chocolat. Goût de base en premier? Vas-y, vanille, goût chocolat. Goût de base pour tous les gens ou pour moi? Pour toi. Si tu te dis, bah voilà, les goûts de basique, la base quoi. C'est que ah, c'est pas, quoi forcément, pas forcément celui que je veux, c'est ce que je retrouve facilement. Ouais, voilà. Bah, c'est vanille, chocolat. Vanille, fraise, chocolat. Pistache. Le troisième? Fraise ou pistache? Le troisième. Fraise ou pistache? Ah, faut choisir. Ouais. Pistache. Ah purée, c'est fou hein. C'est pas ça? Non, je trouve ça marrant. Moi, alors pour moi, c'est vanille, chocolat et fraise. Et fraise, tu vois. T'as pas l'impression que t'as toujours vu le vert depuis que t'es tout petit? T'as toujours eu pistache? Bah non, quoi, pistache, moi c'était chez mes cousins, ils avaient pistache et moi je trouvais ça bizarre, tu vois. Je disais pistache, glace verte, je trouvais ça pas commun. Café aussi, non? J'ai goûté il y a pas si longtemps pistache, c'est vrai que c'est très bon. Mais je me dirais pas que c'est dans les premiers goûts. Mais sauf que moi, là, pendant mes vacances, on m'a dit... Fraise? Mais qui prend fraise? Genre, on m'a dit pistache et avant fraise, quoi. Bah, tu vois, j'ai hésité, je t'ai dit pistache ou fraise. J'étais genre, pas si loin. Non, mais genre à 100%, c'est genre, c'est. Y a fraise qui est genre à 80% et pistache. Et non, pistache qui est à 80% et ta fraise, t'es vraiment genre un bizarre, quoi. Bah, moi, je pense aux glaçelles italiennes, tu vois. Bah, y a... Et du coup, il y a vanille, chocolat, fraise. Ouais, voilà, il y a moins pistache dans ce cas. Il y a moins pistache. Mais dans les glaces en boule, je suis d'accord avec toi, il y a pistache qui peut avoir. Moi, dans ma culture de la glace, pistache, non. Ah, j'adore pistache. Mais et je trouvais ça m'a questionné. Parce que vraiment, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu prends des glaces à la fraise? Bah, j'aime pas, moi, les sorbets, de toute façon, je m'en fous. Je pas sorbet, glace. Ah oui, la glace à la fraise, voilà, pas sorbet. Okay. Sorbet, c'est toujours plus fruit. C'est nul. Moi j'aime bien. Wow. Moi je m'en fous. Mais glace. Je m'en fous. Pistache. Ouais. Non. Pistache, y a pas de blâme. Mais qu'on me dise fraise, c'est si loin que ça. Non, tu vois, j'ai hésité moi. Oui, tu vois. Mais c'est marrant, c'est sorti en premier. T'as fait pistache fraise. Et t'as sorti. Par contre, cette glace-là, faut pas la manger. Hein. De quoi? Le pistache fraise, ça doit être horrible à manger. Bah non, moi je. Ah ouais, merde. Oh non. Non mais vanille, moi non, tu mais... veux. Mélange jamais pistache et fraise dans le même cornet, non, merci. Vanille, il faut qu'elle soit très bonne, mais tu vois, mais ça peut me saouler, vanille, moi. Genre fades. Mais plus personne prend vanille. Plus personne. Si chez toi, mais pas. Si chez toi. Maintenant, en plus, t'as, je sais pas, moi, t'as caramel beurre salé, stracciatella, je sais pas, moi, Kinder Bueno. Oui, voilà, tu prends pas juste vanille, quoi. Ouais. Vanille, ça pue. Après, tu vois, ils mettent vanille, nana, Madagascar, je sais pas quoi, tu vois qu'elle elle est ouf, tu vois, peut-être. I like to move it, move it. Tu vois, j'ai acheté des choux à la crème, là, tout à l'heure, là. Madagascar. Quoi? J'ai acheté des choux vanille, tu vois. Tu les as mangés? Non, ils sont pour tout à l'heure. Ils sont dans ton frigo? Dans ton sac, là? Non. Ils sont chez toi? Tu voulais que je partage ou quoi? Non, mais ils sont où? Ils sont chez moi. J'étais à Wazem, tout à l'heure. Ah, t'es allé à Wazem, et là, t'es revenu à Wazem. Mec, je suis un sportif de haut niveau. Ouais, t'es mal organisé. Ou t'es mal organisé. Enfin, du coup, je fais des bornes. Oui, t'es content. Ça quoi. Va payer, ça va payer. Ça va payer. De toute façon, bientôt, je viendrai en courant, moi, à Lille. On fout. Bah, vélo, tu seras bien quand même. Hein. C'est bien déjà, vélo. Mais je le fais déjà. Genre, deux, quatre fois par jour. Je dois être à 10-20 km de vélo par jour. Moi. Ouais, voilà, la prochaine fois, c'est à la nage. Tous les jours. Je peux dire, j'aurais mis mon Strava. J'étais pas à 624, mais plutôt à 1624. Oh là là. Pas à 500 de course à pied. Pourquoi maintenant tu le mets sur tes petits trajets tu mets Non, j'ai voulu faire ça, en fait, c'est chiant. Bah oui, c'est trop Parce que je connais des gens qui font ça. Et je rentrais dans ce principe de mettre tous mes Strava, tous mes déplacements. Et les gens, ils mettent leur marche à pied, qu'est-ce qu'on leur en musculation. C'est le même truc des séances de salle, tu vois. Mais en fait. Après, ça me fait rire, les gens qui mettent patins à glace. Tu vois, ça fait un dessin de merde sur. Ah, il y a ça? Ouais. Il y a patins à glace? Ouais, il y a tout. Mec, il y a ski, patins à glace. Mais t'as combien de personnes, toi, sur Strava? Bon, je sais pas, 30. Ah ouais, les 30, ils sont bien actifs comme ça, non? Bah, il y a des très, très, très, très, très gros sportifs dans mes 30. Ouais. Tu dois en avoir 2-3, quoi, qui mettent pour tout mettre. Oui, là... mais du coup, tu le vois tout le temps. Ouais, voilà. Et il y a un gars, ouais, il fait genre tous ses sports. Il est, tu vois, il fait du ski de rando, roller, patin à glace, snowboard, kitesurf. Il fait tous les sports, tu vois. Ouais, c'est limite tout much, non? Personne. Bah non, c'est comme ça qu'il s'éclate. Non, non, non, ça va. Non, mais le gars qui dit qu'il va faire ses courses et qui met son Strava. Je sais pas, il y a des gens, ça les amuse. Il y en a? Ouais, ouais. Bah, pas les courses non plus, mais genre, j'ai un pote, il met marche, 1 km 23. Marche le midi, 1 km 23. On s'en fout, quoi. Ouais. Je sais pas qui c'est. Et c'est quoi l'intérêt? Bah, parce que c'est des gens, je pense, qui veulent faire des grosses stats à l'année. Ah oui, il veut tout collecter. Moi, quoi. Si j'avais mis tout mon vélo que j'avais fait en 2024, tu vois, vraiment, tu peux rajouter 1000 bornes. C'est sûr. Mais tu peux le calculer vite fait à la tête. Tu sais que tu fais, comme t'es mal organisé, tu fais 4 allers-retours. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, tu fais 20 km. Voilà. Tu fais 20, puis après, tu fais fois 5. Parce que le week-end, tu te reposes quand même un peu. Puis voilà. Ça, voilà. Voilà. Voilà, je te l'ai fait ton calcul. Et là, t'as économisé de la batterie. Merci. De rien. De rien, mon pote. Bon, c'est l'heure de ma rubrique. Ta rubrique glace pistache. Eh, en commentaire, mettez-vous votre glace préférée, s'il vous plaît. Allez, on veut des commentaires, des pouces, des goûts de glace. Des goûts de glace. Des goûts de glace. Goûts de glace sur notre ligne rouge. Sur Bench and Saloon. Bench and Saloon. Welcome to NTS. NTS. Très bonne radio à écouter. Hein. Ouais. Beaucoup de gens écoutent Banc et Troquet et NTS. On le sait, on le sait. Exact, exact. Près de 50% de notre public. Yeah, Stéphane. Stéphane, fête de la musique. Putain, l'émission du samedi midi, elle est terrible. Soit elle est un peu musique du monde bouillon, elle est trop stylée. Ah oui, bah oui, je crois que samedi, je vois parce que moi j'écoute très très bien cette émission. J'écoute celui de 10h à midi, j'adore. Et ben juste après, ça enchaîne bien. Ouais, bah j'ai déjà écouté, ouais. Effectivement. C'est un peu genre carnaval de Jamaïcain un peu. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais. Voilà. Et donc c'est l'heure de la rubrique, jingle rubrique. Tu dis le nom de la rubrique ou tu fais le jingle? Je fais le jingle. Ok. Rudy Gobert rubrique. La rubrique en marche. C'est la rubrique du point positif de ma semaine. De la semaine, c'était pas la journée. Ah si, la journée alors. Ouais, on peut faire les deux. Bah ouais, parce que moi ça marche pas du coup. Allez, ton jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, Martin, pour toi? J'étais boire un café avec ma copine et ma mère. C'était cool, c'était un temps genre hors du temps. Ça a été un temps suspendu? Un temps suspendu, ouais, avec 3 cafés suspendus, s'il vous plaît. Ça fera 27 euros. Oh bah putain, je suis généreux, mais quand même. Ouais, je trouve c'est cool de prendre du temps comme ça avec les gens. J'ai toujours à essayer de faire toujours plus. Et là, c'était bien. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Mais tu peux parler de ton temps positif à toi aujourd'hui? Ah, je réfléchissais. Faire de la paperasse administrative? Non, je sais pas. Un truc cool. Un truc cool? Bon, j'ai eu mon père au téléphone, une petite heure. Famille aujourd'hui. Il n'avait pas le moral. Donc voilà, on a bien discuté, en passant un peu tout. On a fait un bon hit-rocké à notre manière. Ah ouais, avec mon daron. Oh, trop bien. Ouais. Et donc voilà, oui, on va dire que c'était ça qui était positif. Et te voir, Martin. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et bah moi, mardi, j'ai fait un truc ultra positif. Ouais. J'ai fait de la danse libre. Ah bon? Avec ma mère. De la danse libre? Ouais. Tu sais ce que c'est? Non, je connais pas. Oh, tu rigolerais, mec, c'est un délire. Hein. C'est des gens, t'es un peu, c'est dans une secte de fous, un peu, tu vois. C'est genre, les gens, ils se réunissent toute la semaine, là. Il y a un chorégraphe qui va dire, bon, bah là, vous marchez doucement. Et puis là, en avant, en arrière. Et puis on va progresser tout doucement. Puis là, vous vous relâchez. Et puis il y a des musiques, machin et tout. Puis là, vous allez vers un partenaire. Et là, vous essayez de sentir. Fermez les yeux. Et tu danses un peu comme un fou pendant 2 heures. Ah, c'est un peu un truc de lâcher prise, quoi. Un peu, exactement. Tu vois, le gars dit, bon, on oublie sa journée. là, hein, vous avez envie de vous lâcher. Et il y en a vraiment qui se lâchent, mon gars. Il y en a, ils font des trucs de zinzin, quoi. T'aimerais bien avoir aidé. Moi, j'avais l'impression que j'étais en immersion de chez les zinzins, tu vois. Genre, vol au-dessus d'un nid de coucou. Tu vois, genre, ils faisaient tout un truc. Et des fois, moi, j'étais sur le côté, je dis, hey, ils font n'importe quoi. Et après, tu t'y prends. Parce qu'en fait, ça va être long, 2 heures, si toi, tu fais rien. Tu vois. Ah bah oui, oui. Du coup, tu commences à triper. Et après, tu captes. Tu dis, mais c'est quoi qu'elle porte? Mais c'est un t-shirt Desigual. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça porte du Desigual, bien sûr. Et c'est des gens vraiment d'un peu partout. C'est marrant. C'est un peu en mixité, mais c'est quand même beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des hommes. Femmes jeunes? Tous les âges. Vraiment, tous les âges. Ouais, ouais, ouais. Et puis t'as l'impression que c'est un peu tous les niveaux. Ouais, c'est quand même plutôt. Ouais, non, c'est quand même bobo, hein, la danse libre. J'allais dire que c'est toutes les classes sociales, mais non. C'est quand même 15 balles, je crois, ou 20 balles. Par séance? Ouais. Oh. Moi, j'ai pas payé. Ah oui, c'était un cadeau que ma mère avait reçu, elle avait le droit de venir avec quelqu'un. Ah ouais, et toi tu t'es dit vas-y j'y vais. Ouais, t'étais encore dans le mode l'expérience, testons quoi. Moi tu me lances un défi, j'y vais. Hein. Ok. Je sais pas, j'ai pris ça comme une immersion et puis c'est cool d'aller voir ça, de dire. Puis les gens ça leur fait du bien, tu vois. Mais en même temps, des fois je cassais des barres tout seul ou je regardais ma mère, je rigolais, enfin bref. Mais les gens ils se regardent pas, tu vois. Si, t'es obligé. Non, mais genre ils sont. Ils se jugent pas. Ils se jugent pas, ouais. Ah ouais. Mais par contre, si, des fois t'as des eye contact. Moi j'ai dû danser avec une daronne. Tu vois, fallait faire triper et tout, je sais pas. Tu veux essayer de pas mettre mal à l'aise l'autre personne, tout en sachant que toi t'es déjà mal à l'aise. Tu sais, à un moment, hein, il dit ouais, bon, tout le monde trouve un partenaire et tout. Et moi je suis à côté d'un gars et je sens que j'ai pas envie de. Pas de feeling. Non. Et il se passe rien, tu vois, et puis il dit ouais, bah vous pouvez encore discuter et tout. Je suis au gars, ça va? Ouais, désolé, hein, j'étais pas dedans. Il me dit ouais, non, t'inquiète et tout. Moi je viens de Reims. M'en fous. Je dis ah, tu danses quand même souvent, toi. Il fait ouais, j'ai déjà fait là. Il te sort tous des types de danses libres. Je fais ok. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a un espèce de truc sur Instagram où c'est des mecs qui dansent et qu'il y a une voix de meuf derrière. Il fait et là vous êtes un nana. Et la danse. Tintin, poum poum. Ça me fait penser à ça, quoi. Ouais, ouais. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste des mecs qui ont trippé sur une meuf qui parlait, qui faisait n'importe quoi, et puis ils se sont mis à danser. Ah, dessus. La danse de l'arbre, là, non? Ouais, voilà, c'est ah, ça. Ah, oui, oui. Et en fait, du coup, quand tu me racontes ça, j'imagine ça, quoi. Ouais. Et là, vous partez. Ouais, c'est un peu ça. Après, les sons, ils étaient stylés. Le gars, j'étais là, à la fin, j'étais à côté de lui. Je dis, c'était quoi le quatrième morceau? J'ai dit, tu mixes? Je savais qu'il mixait pas. Mais il me dit, ah non, non. Non, mais c'est bien ce que tu mets et tout. Tu vois, c'est dynamique, c'est machin, ça relâche. Je l'ai aimé. Et c'était où? Fiv. Du Studio Nord. Mais je comprends ce sentiment parce que je pense qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Quand j'étais allé aux Nuits Sonores à Lyon, festival d'électro, il y a un moment, t'es dans un gros hangar et tu vois pas avec les lumières, il fait nuit. Et du coup, il y a un côté avec la musique à fond. Bah, tu te mets à danser sans te poser la question du regard des autres parce que tu les vois pas déjà les autres te voient pas. Et il y a ce côté lâcher prise et c'est hyper agréable, quoi. Mmh, mais tu l'as dans les teufs aussi, tu vois. Ouais, voilà, ouais, tout ça, ouais. Oui, bah, de toute façon, c'était l'esprit teuf là. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans les grosses teufs, dans les arbres et tout, ouais, ouais, il y a les vibrations, les sons de système, ouais, il y a des délires comme ça. Mais tout le monde se fout de la gueule, tu vois, avec leurs bolasses, nani, nana. Mais il y a plein de vidéos qui tournent, des gens qui trippent, mais c'est vrai que ça fait du bien en fait, au corps et à l'esprit, je pense. Ouais, carrément, ouais. Excuse-moi, je regarde, c'est moi qui mets le morceau, hein. Ouais, bah tu peux regarder quel morceau tu veux mettre en attendant, Martin. Comme ça, je fais mon. Je sais déjà ce que c'est. Hein. Je fais mon petit conseil culturel alors. Vas-y. Alors, c'est une série. C'est une série et c'est Los Años Nuevos. Ah, sur Arte. Exactement, sur Arte. C'est vachement bien. Déjà, moi, j'aime bien le. Je sais pas, j'aime bien l'Espagne. J'aime bien tout ce qui est. Il y a plusieurs séries que j'ai regardées espagnoles. Bah, ils sont top. Hein. Ouais, ouais, ils sont top. C'est le réalisateur d'Asbestas. Un film avec Marina Foïs, qui était sorti. Donc c'est déjà, c'était un très bon film. Je vous conseille si vous l'avez pas vu. Et bon, vite fait, l'histoire, c'est 10 épisodes, et à chaque fois, ça se passe le Nouvel An avec deux comédiens qui sont assez bons. Et c'est une histoire d'amour, en tout cas leur histoire. Et tu suis ça. Et à chaque Nouvel An, t'avances avec eux. Ouais, à chaque 31 et 1er janvier, ouais. Et c'est vraiment, vraiment très très chouette. Je vous la conseille. Chaudement. Super. Il est temps de se quitter, Martin. Tu vas nous proposer un petit son alors ? Ouais, alors souvent je suis dans des sons nouveaux. Et puis des fois je reviens sur des trucs à l'ancienne, tu vois. Une fois j'avais mis The Cure. Ouais, ouais, ouais. Et ben là je suis retombé sur un morceau de Paul McCartney, tu vois. Ouais. Et ben franchement il est stylé. Okay. Genre, et c'est Let Him In. Let quoi ? Let Him In. Ok. Ça veut dire je crois laisse-les dedans. Let's let down, let's let down, let's let down. Let's let down, let's let down, let's let down. De quoi? Les clés dans la voiture. Let's let down, let's let down, let's let down. Bah non, surtout pas. Oh, surtout pas. Oh putain, elle ferme automatique la voiture. Vous avez une radio? Je voudrais essayer de rentrer ici. Un cintre, s'il vous plaît. On me répond. J'ai laissé les clés dedans. Let's let down, let's let down, let's let down. Let's let down. Let's let down, let's let down. Donc on vous laisse avec Paul McCartney que tout le monde connaît. Mais est-ce que tout le monde connaît ce morceau? On ne sait pas. Je ne crois pas. Laissez-nous des pouces, des goûts de classe et des... On connaît la chanson. Voilà. Voilà, merci pour vos réactions. À bientôt. À bientôt. Bisous. Zou. Open the door. mer.